Bonsoir à tous. Vendredi 23 juillet, émission de Blue Dat Route sur Radio Montpellier 90.1. Donc on se retrouve pour cette émission estivale, on est très contents. On est en studio. Aujourd'hui l'émission, le thème sera les artistes inclassables. Stéphane ? Les artistes inclassables. Alors pourquoi inclassables ? Parce qu'on a fait un petit point, ça fait combien de temps ? Ça fait deux ans d'émission ? 2-3 ans, et on s'est rendu compte qu'il y avait 2-3 artistes majeurs dans la culture afro-américaine récente, parce que y en a d'autres qu'on a passé, qu'on n'avait jamais mis dans aucune de nos thématiques, blues, jazz, soul, funk. Et pourtant ils en font partie, bien sûr. Et pourtant ils en font partie en partie, parce que justement, ils ont touché un peu à tous les styles, on va vous dévoiler tout ça au fur et à mesure de l'émission. Donc on s'est dit, pourquoi pas une petite émission sur les inclassables, avec 3 artistes majeurs, je crois. Je sais pas si tu veux dévoiler la liste tout de suite ou... On peut en parler déjà, 3 artistes majeurs. Vous allez écouter, bien sûr, Prince, un chanteur américain, danseur, musicien, il a tout fait. Producteur. Producteur également aussi d'albums, tout à fait. Mm. Bon, bien sûr, on le présente plus, le King. Le King, c'est pas le King. Non, c'est le roi de la pop. Roi de la pop. Ouais. The King of Pop. Qu'on a entendu le morceau. Le morceau Billie Jean, bien sûr. Michael Jackson. Et bien sûr, il fallait un peu de parité. Et puis le King, il lui fallait une queen. La queen du rock'n'roll. Voilà, Tina Turner, bien sûr. Que tout le monde connaît. Il y aurait peut-être un. Oui, on en parle plus tard. C'est une surprise. C'est une surprise, un groupe que. Un petit zoom sur un groupe inclassable aussi, enfin qu'on estime inclassable. Et qu'on a déjà entendu dans l'émission plusieurs fois. Ceux-là, on les a déjà entendus effectivement. Alors qu'effectivement, Tina Turner, qu'on aurait pu aussi mettre dans. Qu'on a fait l'émission sur le rock'n'roll, qu'on a fait l'émission sur la soul, qu'on n'a jamais passé. Non, c'est vrai. On s'en était rendu compte. Hein. Oui. Et puis Prince, effectivement, Prince et Michael Jackson. Ouais. Bon, on va leur consacrer 2 heures. Donc c'est bien. Voilà, on va passer des morceaux de tous ces artistes en suivant un peu chronologiquement leur carrière. Qui est très riche, justement, en début de carrière pour ces artistes. Très riche, très compliqué. Et playlist préparée par Julien, donc. Oui, la playlist de juillet, c'est pour moi. Voilà. La playlist de l'été. Donc là, on va vous passer un petit morceau, on en parlera après, on va le présenter un peu après, mais on va vous passer un petit morceau de Prince. Controversie, un titre qui est sorti en 81 de l'album du même nom. Et vous verrez, vous la connaissez, Controversie. Controversy. Donc on vient de s'écouter le titre Controversy de Prince. On va le présenter un petit peu. Donc Woodward Nelson, dit Prince. Donc il est décédé il y a peu, il y a 5 ans, à 57 ans. Donc une mort assez jeune pour un artiste, voilà, un auteur, compositeur, interprète. Alors il jouait de quasiment tous les instruments. Voilà, on a entendu le titre Controversy, c'est un mélange de pop, de funk. Donc dans les années 80, c'est le style un peu à la mode aux États-Unis. Il est également danseur, acteur. On verra comme les trois artistes qu'on va présenter. Conducteur de moto. Tina Turner, ouais. Michael Jackson aussi, ils ont fait des films. Les trois ont fait des films, ont vraiment une carrière... Éclectique. Éclectique, exactement. Éclectique. La seule différence de lui, c'est que lui, il a... Alors Tina Turner un peu, Michael Jackson pas du tout. Lui, il avait déjà une culture, une éducation musicale. Tout à fait. Son père, John L. Nelson, d'ascendance afro-américaine, il est pianiste. Sa mère est chanteuse de jazz. Donc voilà, il a baigné dedans. Ils sont, pour dire amateurs, parce que pour vivre correctement, ils sont respectivement plâtrier et travailleuse sociale. Il a une sœur, voilà, pour information. Bon, elle n'a pas fait carrière, visiblement. Et son père déclare en 91, je l'ai appelé Prince, car je voulais qu'il fasse tout ce que je n'ai pas pu faire. Et accessoirement, je crois que c'était aussi le nom une partie du nom du groupe, du père. Oui, exactement. Le groupe s'appelait Prince Rogers Trio. Donc du nom du père. C'est fabuleux. Et donc la carrière de Prince démarre en 78. Et sa discographie, voilà, c'est un artiste énorme. On compte plus de 30 albums studio parus en moins de 40 ans. Donc ouais. C'est quand même énorme. Il a produit en plus, comme tu disais tout à l'heure. Bon, il a produit beaucoup d'artistes. Et pas forcément des artistes, style afro-américain. Il y a eu les Bangles, pour ceux qui connaissent. J'ai vu qu'il y en avait un autre qui était aussi la chanteuse française, là, maintenant je rigole. Je vois plus son nom, là. Whitney. Non, pas Whitney Houston. Non. Winter. Ophélie Winter. Ophélie Winter, mais oui. Oui, c'est vrai que ça s'est mentionné. Bon, les Bengals, c'est mieux. Il est multi-instrumentiste, il a pratiqué une vingtaine d'instruments. Il excelle notamment, voilà, on va le voir à la guitare, à la basse, au piano, à la batterie, au clavier. On va découvrir, il a plein de trucs, il est aussi assez précurseur sur pas mal d'autres choses, mais un peu comme le pendant à l'époque, c'est vrai que c'est pas forcément la musique qui était trop à l'époque, mais entre Michael Jackson et Prince, je vais pas dire qu'ils se tiraient la bourre, mais c'était quand même les deux, et tous les deux étaient précurseurs dans des trucs différents, mais voilà, ça va au-delà de l'éclectisme, ça va au-delà des différents sons, styles de musique qu'ils ont fait. Ils ont inventé, lui sur la prod, Michael Jackson, on verra peut-être plus sur le côté chorégraphie, vidéoclip, tout ça. Mais ils ont été, voilà, c'était des précurseurs énormes, quoi. Bien sûr. Donc là, on s'est écouté le premier titre, Controversy, qui s'est écoulé en 3 mois à 500 000 exemplaires. Alors, Prince, il a aussi un côté chaud. Et sombre. Chaud et sombre. Mmh. Il y a beaucoup d'emplois de références sexuellement explicites dans certaines de ses chansons. On va en écouter certaines. Bon, si certains sont bilingues, ils vont comprendre. Et il utilise aussi lors des concerts l'usage de costumes un peu excentriques. Voilà. Très tourné. Ouais, il le revendiquait au tout début où il avait fait une chanson, une déclaration, style vraiment peace and love, inspiré hippie, psychédélique, mais la libération sexuelle, voilà, aux États-Unis, ni noir ni blanc, tout le monde s'aime sans contrainte. Mais je disais un côté sombre parce que sur la fin, il mêlait le côté sexe avec le côté très très croyant, foi. Oui, oui. Et donc ça faisait un côté un peu. Ça n'a pas des plus au gothique, en fait. tant qu'à parler style de musique. Alors, il n'a pas fait du gothique, mais dans cet aspect-là, il y avait ce côté qui était un peu tourné comme ça, quoi, oui. De Prince. Donc, on va revenir un peu à la musique. Il a créé un groupe aussi dans les années 80, qu'il baptise The Revolution, avec l'arrivée du guitariste Wendy Melvoin. Et ils vont sortir un album en 84, donc Prince and the Revolution, avec des titres voilà quoi. Qui ont explosé, comme Purple Rain. Le Le film, donc. Le film, voilà. Alors, est-ce qu'il a d'abord fait le film ou le disque ? Il a d'abord fait le film, visiblement, ouais. Et son idée était de développer un film qui raconterait sa propre histoire. Ouais. Bon, il était assez jeune, quand même, mais... Ouais, il y a des scènes semi-autobiographiques, quoi, dans le film. C'est un projet que la Warner a apparemment rejeté d'abord froidement, mais il a sorti un album dessus. Donc, Purple Rain, on va s'écouter. Et Raspberry Beret, une de mes chansons préférées. Et on reparlera de la Warner aussi, quand on parlait de précurseurs, d'une histoire avec la Warner et Prince. I never meant to call you when it's all over. I never meant to call you when it pains. Purple. never turned me on. Something about the clouds and her mixed. She wasn't too bright, but I could tell when she kissed me, she knew how to get a kiss. She wore a raspberry beret, the kind you find in a secondhand store. Raspberry beret, and if it was wrong, she wouldn't wear much more. Raspberry beret, I think I love her. The rain sounds so cool when it hits the bottom roof. You feel like a movie star. Listen, this ain't the first time, ain't the greatest, but I'll tell ya, if I had the chance to do it all again, I wouldn't change a stroke. This baby, I'm the most, but a girl as fine as she was then. No, I'm Bon, alors on vient de s'écouter un Raspberry Beret, ça bouge, hein, c'est du bon funk. Ah oui, justement, oui. Alors c'est du funk. Alors dans le côté éclectique des Inclassables, oui. Parce que Prince, il a touché un peu à tout, hein, que ce soit, il a commencé avec plutôt du rhythm and blues, c'est tout premier. Il est passé par le pop rock, le funk, la soul, l'électro. Et ce qu'on disait tout à l'heure avec le côté sexe et foi religieuse, il a fini, c'était un peu du psychédélique, électro, zarbe, quoi. Et en parlant du côté un peu sombre, petite parenthèse, avec toutes ses casquettes, il a aussi la casquette de compositeur pour Batman. Oui, Tim Burton. Le premier Batman de Tim Burton, exactement. Côté gothique, ça se pose là. Ah, oui. Un des meilleurs Batman en plus, bien sûr. Donc on était bien dans cette rubrique black, côté obscur. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est un artiste qui a beaucoup, beaucoup produit, enfin, il a fait beaucoup de sons dans les années 80. Les années 90, c'est un peu moins. Il a sorti quand même quelques albums, mais ses albums ont vraiment fonctionné dans les années 80. Et en 1985, notamment, il a reçu le meilleur single d'un artiste noir à l'époque. Voilà, c'était catégorisé aux États-Unis pour le titre When Doves Cry, qu'on va s'écouter juste après. Qui vient de Purple Rain aussi, qui est tiré de, exactement, de l'album Purple Rain en 84. Et voilà, ce qu'on disait, c'est sur scène, une bête de scène. Il paraît impressionnant. Il paraît, moi qui suis la référence de l'émission pour les concerts, tu te rappelles, à chaque fois tu me poses la question. Bah non, je l'ai pas vu. Tu as pas vu lui? Non. À Lyon ou Saint-Etienne, même pas, non. Marseille. Je pense que lui, il est passé qu'à Paris, à mon avis. C'est possible. Mais j'ai vu un documentaire où effectivement, il expliquait un concert qu'il avait fait. Alors, un concert un peu clandestin où c'était annoncé, il avait joué toute la nuit, quoi. Moi, je me rappelle d'une émission, c'était avec Deniso, le grand journal, où il venait jouer. Bon, il y a peu de temps, juste avant son décès, dans les début d'année 2010, et c'était impressionnant, impressionnant. Il a mis le feu, le public n'était pas très nombreux, parce que bon, c'est une scène de studio, mais... Oui, donc à la base, c'est le musicien dans toute sa splendeur. Alors, il est au-delà, quand on parlait du côté éclectisme, on a parlé précurseur, parce que dans le sens où, c'est pas des premiers, mais enfin quand même qui a concrétisé le côté sortir du carcan des maisons de production. Il y a eu des problèmes avec la Warner, et en fait... Bon, pour schématiser, je crois qu'il ne pouvait plus. Si un disque sous le nom de Prince, ça tombait chez la Warner. Et donc, du coup, il a arrêté de commercialiser ses disques sous le nom de Prince. Et c'est à cette époque-là où il a utilisé le symbole, le love symbol, oui. Qui est une sorte de. Enfin, qui est un symbole. Il avait un. Pendentif, enfin. Un pendentif, ouais. Sur ses albums, qui était un peu le symbole. Du mal, ouais. Ouais, du mal, ouais. Ou, du mal de l'homme, ouais. Voilà. Mais un peu du mal aussi. Et donc, à ce côté-là, c'est tout là. Et c'était aussi un des premiers artistes. Alors, déjà, il a construit son studio d'enregistrement à Paisley Park, ce qui n'est pas rien. Et c'était un des premiers artistes aussi qui a commencé à diffuser sa musique sur Internet, justement pour s'affranchir de ses contraintes. Donc c'est un côté assez libertaire quand même de, ouais, oui. Et autonome quoi. Donc c'est en ça où super musicien tout ce qu'on a dit, mais aussi avec une vision du produit de la musique qui était avant-gardiste hein, tout simplement. Bien sûr. Donc là on va s'écouter mes deux petits titres. Comme on le disait, le Wind of Sky, le titre pour lequel il a reçu le titre de meilleur single d'artiste noir en 85. Et Let's Go Crazy, DJ. Floor. C'est un peu une synthèse de ce qu'on voulait dire, cette chanson avec une bonne guitare limite hard rock, rock, quoi, enfin rock, et puis à côté un petit peu funk, dansant. Quoi. Ah oui, donc un peu une synthèse de ce côté inclassable. On n'aurait pas pu vous la mettre dans le funk, on n'aurait pas pu vous la mettre dans le rock, on peut la mettre dans, ou on aurait pu la mettre dans les deux. Donc c'était un peu l'idée de cette émission qu'on va développer un peu après. On entend déjà un petit peu de son là. Je ne sais pas ce qui se passe du côté, mais... Il prépare. Ouais, il prépare la suite qui... Ben c'est quoi la suite, justement, Julien ? La suite, le dernier titre qu'on va vous faire écouter, The Prince and the New Power Generation, donc c'est son groupe à l'époque. Ce qu'il faut dire, on en a parlé tout à l'heure, sur scène, il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de musiciens avec lui. Bah, formation, un peu comme les formations de jazz ou soul, hein, voilà. Avec, ça y va, quoi. Énormément d'artistes, énormément d'instruments. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce titre, bon, je t'en parlais tout à l'heure, je l'ai connu sur MTV, les Allez, premiers clips, dans voilà. Les années 90, premier clip. Génération 80s, c'est voilà. Ça ouais. Et c'est des clips très bien construits, très bien produits, et qui s'apparentent quasiment à des films. C'est les premiers clips MTV qui s'apparentent à des films. C'est comme on disait, comme Michael Jackson. Jackson, on reviendra avec Michael Jackson. C'était une de ses cartes de visite quand même, voilà. Michael Jackson, de développer tout ça, toute cette notion. Exactement. De. C'était plus des clips, c'était des histoires qu'il racontait. On était captivés par. On écoutait quasiment plus la musique alors que. Mais bon. Oui. Les premiers clips MTV. Mais on voit bien que là, ils étaient sur la même longueur. Enfin voilà, ils tiraient bien la bourre. Et, ouais, c'est ça. Mais ils avaient des bonnes idées quoi. Donc Cream. Alors, Cream, le dernier titre de... Donc tu nous disais ton adolescence, Cream, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un très beau titre. Et Cream, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Prince, qui parlait, il y avait beaucoup de références sexuelles dans ses titres. Cream, je ne sais pas s'il y a une référence sexuelle, il faudra peut-être chercher. Bref. On ne va pas aller trop loin. Trop tard. Mais voilà, on va s'écouter Cream, moi c'était un de mes titres préférés dans les années 90. Alors, il est utile, vous classerez quoi ? Plutôt funk, plutôt soul, voilà, plutôt ça, c'est pop. Vraiment un mélange, ouais, pop. Pop ? Pop, ouais, plutôt. C'est toi l'expert. This is it. It's time for you to go to the white. more, cause you are the best. Mm-hmm. Yes, you are. Cream, get on top. Cream, you will cop. Cream, don't just stop. Cream, sugar. Look up in the air, it's your guitar. Radio Mon País, déjà une demi-heure avec l'équipe de Blue Dart Roots, spécial inclassable. Les artistes qu'on n'a pas pu vous passer durant ces deux années d'émission, parfois tumultueuses. Et donc là, d'après le programmateur en chef, on a bouclé la série Prince. Alors, tu avais fait un choix qui était basique, c'est-à-dire les morceaux connus, mais qui représentaient sa carrière, quoi. Une sorte de petit best-of, mais pas des morceaux dégueulasses, de toute façon. Oui, des morceaux dansants, j'espère que voilà, vous avez apprécié. Ouais, et qui retracent bien la diversité de son œuvre. Après, on s'est arrêté de la fin des années 80. Ouais, on n'a pas été sur le côté un peu black, qu'on disait un peu plus psyché, électro. Non, c'est des titres récents, on ne les a pas trop passés, ouais. Mais c'est pas grave, ça parce qu'on était limité en temps, voilà. Oui, ça fera l'occasion d'une prochaine d'une prochaine émission, enfin pas la prochaine, mais d'une future, pourquoi pas. On passe au deuxième monstre sacré de cette période. Tu l'as dit, un monstre, sacré. Un monstre. MJ, Michael Jackson. Ouais, référence à Thriller ou Le Monstre. Voilà. Ouais. Oui, on en parlait des clips, des clips qui ressemblent à des films de George Romero sur le clip Thriller. Donc Michael Jackson, on va le situer, même si Est-ce qu'il faut vraiment que tu le présentes? Bon, il est né en 58, décédé malheureusement en 2009. Ça a fait un cataclysme mondial. Hein. Tout le monde s'en souvient de son décès. Non, si beaucoup s'en souviennent. Oui, ça reste. C'est comme Elvis. Enfin, on avait fait une émission sur le rock, Elvis, pas Elvis Rock'n'Roll, mais bon, tu peux comparer la mort d'Elvis avec la mort de Michael Jackson. Je pense que ça a été deux grands. Elvis, on aime, on n'aime pas, on en pense ce qu'on en pense, mais je pense que voilà, il y a eu deux. Voilà, ça a été la même onde de choc. Hein. Elvis, tu en parles, on va en reparler. On va en reparler d'Elvis. Ouais. Pas dans cette émission, mais juste pour le situer par rapport à ces monstres-là aussi, monstres sacrés de la musique. Michael Jackson, auteur, compositeur, interprète, danseur, très bon danseur, hein, on l'a vu dans ses concerts, dans ses clips. Alors, inspiré de James Bond quand même, rendons au King, c'est James Bond. Ouais. Michael Jackson s'est quand même inspiré à travailler ses pas étant petit. Oui, parce que lui, il a commencé quand même jeune. Il a commencé très jeune. Donc lui, par rapport à ce qu'on disait par rapport à Prince, lui, aucune culture vraiment, vraiment éducation musicale. Enfin, son père avait des guitares, ça jouait, ils jouaient entre eux. mais pas une culture comme Prince qui était plus développée, quoi. Non, mais après, une culture dans la famille musicale. C'est le septième d'une famille de 9 enfants et il chante avec ses frères dès l'âge de 6 ans. Et il a commencé une carrière professionnelle à 11 ans au sein des Jackson 5. Ouais. Bien sûr, avec ses frères. C'est là où il a travaillé ses pas, inspiré de James Brown. C'est ça. Typiquement. C'était le plus jeune des frères, donc avec ses frères aînés. Il est surnommé bien sûr le roi de la pop. Donc il a battu plusieurs records dans l'industrie de la musique. Mais on va d'abord écouter un peu Jackson 5, le début de sa carrière avec ses frères. Deux titres. Ah oui, alors c'est lesquels que tu nous as choisis? Donc I Want You Back, ouais. Bien sûr, qui a été repris malheureusement par d'autres groupes. Je dis malheureusement parce que voilà. Parce qu'aucune version n'égale. Non, bien sûr que non. Bon, ok. Bien sûr que non. Souvent dans les titres originels, aucune la dépasse. Et on va s'écouter aussi Dancing Machine de Jackson 5. She's moving, she's grooving, dancing. listening to the music stop now. Yeah. Donc voilà, on va s'écouter deux titres des Jackson 5, dont fait partie bien sûr Michael Jackson. Bien vu. Non, t'as bien révisé. Et voilà, Michael Jackson, reconnu comme l'artiste le plus titré de tous les temps. Nous, on aime bien les stats des formations professionnelles. Pas forcément. Non. Parce que voilà, le roi de la pop, the king of pop, Michael Jackson, il a battu plusieurs records dans l'industrie de la musique. 350 millions de disques vendus. Il est derrière qui? Il y a deux artistes qui sont devant lui. Elvis. Stéphane. Elvis. Ah, tu vois, on y revient. Et un groupe anglais. Beatles. Bien sûr. Et Tina Turner aussi, elle a, je crois, dont on parlait tout à l'heure, elle a aussi un signe de record. Non, je crois que c'est le plus grand nombre de billets de concerts vendus pour une chanteuse sur scène, solo. Quoi. Ouais, elle a fait une tournée. C'est une tournée monstrueuse. On y reviendra. Par contre, sur Michael Jackson, sur le côté. Diversité inclassable, musique, là, on est typiquement dans la période soul. Tout à fait. Rhythm and blues soul, Motown, dont on avait parlé lors d'une émission il y a quelques temps. Là, c'est les années 70, on est en plein dedans. Ouais, et donc, du coup, la marraine qui les a présentés, à qui il rend hommage dans une chanson, enfin, je ne sais pas s'il rend hommage à elle, je pense, c'est Diana Ross. Diana Ross, ouais. Il a toujours eu un peu la figure de la mère protectrice dans le milieu, quoi. Donc voilà, là c'est la période Motown, quoi, typiquement. C'est ça. Du coup, là, on passe après les Jackson 5. Donc voilà, ils ont sorti quand même pas mal d'albums, en famille. Et il faut attendre 1978 avec l'album Destiny pour prendre la mesure du talent des frères Jackson. Et plus particulièrement de Michael, même si on sent que, même si c'est le plus jeune dans le groupe, c'est quand même le leader vocal. Le leader naturel. Ouais, le leader naturel, exactement. Bon, tout le monde le remarque, notamment la presse, bien sûr, et les fans. Et l'album qui suit a été entièrement produit et écrit par les Jackson 5. Il a généré deux tubes énormes. Blame It on the Boogie, désolé pour l'accent, et Check Your Body. Donc on va s'écouter un petit titre de Jackson, featuring Michael Jackson, Check Your Body. I don't know what's gonna happen to you, baby. Let's shout, shout. Shake your body down to the ground. Let's dance. Let's shout, shout. Shake your body down to the ground. Let's dance. Let's shout, shout. Shake your body down to the ground. You tease me with your loving to play hard to get. Cause you do know that I want you. You walk around this town with your head on a famous sky. And you do know that I want you. Let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground. Shake your body down to the ground. Shake it up. Just the spark that lit the fire inside of me. And you do know that I love it. I need to do just something to get closer to your soul. Your booty, Stéphane. Check your booty. Check your booty. Booty, je sais pas trop. On n'a pas notre expert en anglais et notre musicien ce soir, donc booty. Je sais pas trop. Tes fesses ou. Tu crois? Ton popotin, ouais, bon. Ouais. Donc voilà, on vient de s'écouter Jackson's featuring, enfin avec Michael Jackson. Donc déjà, c'est. Il s'émancipe un peu. Ouais, il s'émancipe, ouais. Il s'émancipe un peu. Et là, en 1979, il sort son premier album chez Epic, le label Off the Wall. Donc, il est coproduit avec un producteur qu'on connaît bien, Quincy Jones. Ouais. Bah après la question, est-ce que Michael Jackson aurait eu la même carrière s'il n'avait pas rencontré Quincy Jones? Parce que Quincy Jones, c'est pareil. Enfin, voilà. En termes de producteur-compositeur. On décollait avec Quincy Jones, bien sûr. Mais c'est bien. Enfin, quand il y a comme ça deux grands artistes qui se rencontrent, ça produit des choses. Prodigieuse. Exactement. On disait qu'il a, comme Prince, il a été acteur et il aurait rencontré Quincy Jones sur le tournage de la comédie musicale The Wiz. Je ne connais pas, mais tu connais. Ah oui, non. Je comprends parce qu'il a fait aussi. Non. J'ai l'air de connerie. Je sais pas, je pense au même magicien d'Oz ou un truc comme ça. Mais bon. Ouais, The Wiz, moi je ne connais pas. Et donc, dans cet album, cette chanson a été composée par Stevie Wonder et Paul McCartney. Et en mai 1984, il est reconnu par le livre Guinness des records comme l'album le plus vendu de tous les temps. 25 millions d'exemplaires à l'époque. Bon, c'était à l'époque. Hein. Voilà. Depuis, sûrement, des albums sont vendus plus. Les estimations actuelles sont de 66 millions d'exemplaires. L'album est certifié 33 fois disque de platine. Il remporte 8 récompenses, etc. Du coup, c'est quel album, celui-là ? Off the Wall. Off the Wall, d'accord, c'est un des morceaux qu'on va écouter après. Voilà. C'est ça, donc je fais ce lien, parce que j'étais parti sur The Wiz, mais The Wiz, c'est le film ou une comédie. Mais oui, ils sont rencontrés sur le tournage de ça avec Quincy Jones, ça c'est sûr. Et il obtient, comme tout le monde connaît, sur le Hollywood Boulevard, son étoile. Ah oui. À ce moment-là, en 1984, sur le Hollywood Walk of Fame. Donc cet album, Off the Wall, il contient 9 titres, dont 7 titres sortiront successivement en single. C'est quand même énorme. 7 sur 9 titres. On peut en citer certains, Billie Jean, qu'on a écouté au début, Beat It, Thriller également. Donc on va s'écouter là Walk With You. Ouais. On va s'écouter Walk With You et ensuite... Walk With You, ouais. Donc c'est du rock. Voilà. Ah, parce qu'on est toujours dans le côté... parce qu'il a, il a mis des bonnes guitares aussi comme, comme Prince. Ouais. Parfois... Et je vais faire une rectification parce que j'ai fait une erreur. C'est pas l'album Off The Wall, c'est l'album Thriller, bien sûr, en 84, qui a obtenu tous ses titres. Peut-être, j'aurais été incapable de te corriger. C'est l'album Thriller. Alors, l'album Thriller... Il y a l'album, mais c'est surtout le clip qui a fait parler. Voilà. Parce que le clip, c'était un court-métrage, quelque exactement. Part. Exactement. Si mes souvenirs sont bons. De George Romero, avec les zombies, oui, la danse zombies, des zombies. Mais surtout, il durait super longtemps. Oui, il durait 9-10 minutes. Donc, pour pouvoir le placer dans une société qui commençait à être vachement pub et tout ça, placer un clip aussi long, il fallait avoir du répondant, quoi. Ah, mais il y avait des moyens, ouais. Exactement. Donc, c'est l'album Thriller, pardon, en 84. Qui est vendu à 70 millions d'exemplaires. Ouais, c'est l'album dont tout le monde se souvient. Voilà, il y a des titres sauf énormes. Sauf toi, vu que t'as dit que c'était ouais, sauf moi, il y a une erreur que je rectifie. Donc, Billie Jean, Beat It, Thriller, Walk With You. Donc, on va s'écouter deux titres de cet album. Voilà, l'album iconique de Michael Jackson. Thriller, tout le monde se rappelle du clip. Alors, moi je me rappelle pas trop. Tu peux me montrer de George Romero comment il danse Malheureusement, on verra pas, mais oui. D'accord, ouais, c'est ouais, ouais. Ça, c'était quand il sortait de la tombe, ça. Voilà. Ce que tu as fait. C'est dommage qu'on soit pas filmé. Oui, il était avec sa copine. Et bien sûr, sa copine fuyait parce qu'ils avaient une dispute. Et elle fuyait dans un cimetière. Et là, des zombies sortaient des. Puis oui, ça arrive tout le temps, ça. Des filles qui se disputent et qui fuient par le cimetière. Ça, c'est... Et lui, il finissait par danser avec les zombies, bien sûr. Bien sûr. Mais tu fais bien le zombie. Mais c'est un cauchemar. On voit la fin. Non, c'est pas un cauchemar. Parce qu'à la fin, il se réveille, effectivement, mais il ouvre les yeux, il a les yeux du zombie. Oui, c'est vrai, exact. Hein, c'est le truc en boucle, quoi. On ne sait pas. Tu sais pas comment ça finit, en fait. En fait, tu dis c'est plus un zombie, mais si, c'est un zombie. En fait, si. C'est typiquement, c'est ça qui est hallucinant. C'est que le mec, il a pas fait un vidéoclip, il a fait un court-métrage de film d'horreur. Tout à fait. You Glaçant, on entend les rires du mal. Ouais, glaçant quand même. Donc on vous a pas mis le clip en entier, hein, parce que voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est 9-10 minutes. On a mis juste la chanson de Thriller. Pour, bon, t'as dansé quand même. Comment? T'as dansé quand même. Ah, bien sûr. J'ai même fait le zombie. Non, non, peut-être pas. Bref. Zombie walk. Donc Thriller, l'album demeure l'album le plus vendu de l'histoire de la musique. Hein. On l'a dit plusieurs fois. Michael Jackson, on peut parler un peu de lui quand même. L'artiste ou de l'homme. Non. Mais juste pour dire, ouais. En tant qu'artiste, voilà, il a participé quand même à beaucoup d'œuvres caritatives. Il s'est beaucoup engagé avec le projet USA for Africa. C'est lui qui a écrit... Heal the World. C'est lui qui l'avait écrit ou c'est Steve Wonder? J'avais la chanson... ouais, je sais plus première. Ça. Il a, voilà, we are the world, we are the... Ouais. C'est ça, we are the children, ouais. Oui, voilà. Ouais. C'est lui alors, c'est le children. Il a, voilà, il a participé à ça. Et il a contribué tout au long de sa carrière à la lutte contre la famine. Comme, voilà, il était très engagé, la famine, la cruauté envers les animaux et la maltraitance infantile. Bon, ça, on rebondit pas. Non, non, on va rester sur le côté artistique. Oui. Sur les différents styles, parce qu'on a vu qu'il était parti sur la soul au tout début. Après, il est passé par funk, disco. Pop, ouais. On a vu le côté aussi un peu beat it. C'était bon riff de guitare piqué. Je sais pas, les mecs des Aerosmith qui jouaient ou y a pas ou des riffs ou inspirés des Aerosmith. Enfin bref, un peu hard rock quand même. On parlait tout à l'heure d'un morceau qu'on n'a pas mis qui est Dirty Diana, où il me semble qu'il y a un bon riff de guitare aussi. Donc, il a fait beaucoup d'associations, oui, avec des artistes de l'époque, ouais, tout à fait. Donc voilà, pareil, difficilement inclassable. Et puis on revient sur ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire le côté précurseur. Mais alors lui, vraiment le côté précurseur sur la danse, sur le spectacle, sur les clips, ce qu'on disait. C'était des shows. Ouais, mais le mec, il avait tout vu, quoi. Voilà. Il avait tout anticipé. Enfin, bon, après, il avait les moyens, bien sûr, mais c'était un show monstrueux. Les tournées mondiales qu'il a faites. Et puis un méga perfectionniste, quoi. Le mec, je crois qu'il faisait ses chorégraphies. Enfin, c'était un méga. Enfin, voilà, quoi. Il fallait que ça tombe. Et comme on disait. Parmi Elvis, The Beatles, les autres, c'est un artiste mondialement connu. Ah oui, oui, oui, oui. Il y en a quand même peu. Et lui, c'était quand même l'artiste, une icône culturelle majeure du XXe siècle. Eh oui. C'est-à-dire, attends, tu veux nous parler de Bad, c'est là où tu parles de l'album Bad. De Bad. Alors, je voulais rebondir vite fait sur Bad, sur la chanson Bad, parce qu'à la base, elle était prévue justement pour qu'il chante en duo. Bad. Oui, avec... À ton avis? Non, pas Diana Ross. Non. Okay, non. Ça aurait pu, hein. Mais non, avec Prince. Ah, à la base, c'est le gros coup machin, et Prince n'a pas voulu parce qu'il trouvait les paroles, enfin les paroles ne lui plaisaient pas trop, peut-être ou pour autre chose, hein, mais bon, dans la logique. Mais a priori, alors ça, c'est Quincy Jones hein, qui racontait ça en termes d'anecdote, en disant que ça avait été écrit à la base pour un duo avec Prince. Mais c'est dommage. Prince s'était retiré et. Ça aurait fait le lien pour notre émission, mais. Bon, on l'a fait quand même. Oui, oui. Donc, ouais, alors sur Bad. Et Bad, voilà, il y a quand même un fait majeur sur l'album Bad. C'est la première fois où il part en tournée pour promouvoir cet album sans ses frères. Auparavant, sur ses autres albums, ses frères venaient, ils participaient à des titres. Sans s'appeler Jackson 5. C'était déjà Michael Jackson, mais il jouait derrière. Il jouait derrière, il participait à des titres. Il devait sûrement jouer des titres de Jackson 5. Là, c'est la première fois qu'il part sans ses frères. Donc on va en écouter une et une autre d'un album un peu plus postérieur, Dangerous, un album des années 90, le titre Black or White. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez du clip, pareil sur MTV, moi je me rappelle, voilà, il m'a marqué. Mais c'est marrant, tu vois, parce que quand on disait, alors je dis ça, c'est une petite parenthèse, mais quand on disait le côté avant-gardiste du clip, je crois que c'est ce que tu es en train de faire, à nous renvoyer à chaque fois au clip, c'est un des rares... artiste musicien avec qui on peut faire cette référence là. Exactement. C'est vrai que des fois on a présenté d'autres artistes, on n'a pas dit si vous vous rappelez du clip ou machin. Par contre lui c'est vraiment associé. Exactement quoi. Ça. On se rappelle des fois plus des clips que des titres. Mais bon heureusement on se rappelle des titres aussi parce que c'est des titres quand même, très bons. Oui c'est la bonne musique. Quand même. Mais donc voilà on va écouter deux titres. Smooth Criminal de l'album Bad et Black or White de l'album Dangerous. Et après je pense qu'on passe aux choses sérieuses. Ah oui pour toi oui. On the Radio Mon País, je fais avec l'accent celle-là, Radio Mon País, Blues at Roots, eh bien, il est déjà 20h22, toujours sur cette thématique des inclassables pour commencer l'été et pour finir la saison tranquillement. On va faire un petit break dans je veux dire, l'inclassable afro-américain. Avec quel groupe, Stéphane ? Alors, avec un groupe. Qu'on connaît à peine. Ouais, enfin, qu'on connaît à peine, qu'on n'a pas trop. Pas passé si souvent que ça. Non. Non, mais en plus. Pas assez à ton goût, peut-être, mais. J'assume. Bref. J'adore aussi. Donc, un groupe inclassable aussi. Alors, pour le coup, là, on va partir en Angleterre. On fait une petite parenthèse anglaise. Alors, un groupe qui a une image de groupe punk rock, et vous allez voir au fil des morceaux qu'on va passer, pas tant que ça. Donc, tous les styles, bien sûr. Ouais, un peu tous les styles. Pour le coup, on va commencer par le premier morceau pour bien poser le truc. Effectivement, ils ont commencé dans les années 70, époque Thatcher, révolte, classe sociale. Et puis beaucoup de discours engagés, enfin de chansons engagées. Très engagées, bah, notamment celle-là. Celle-là qui, donc le morceau s'appelle White Riot, donc émeute blanche. Quand ils l'ont sorti, il y a eu comme une forme d'incompréhension où ils se sont fait tomber dessus par certains médias ou hommes politiques ou autres, ou militants même, en disant que c'était une chanson nationaliste. Or, pas du tout. Pour eux, le White Riot, c'était qu'à l'époque de ces années-là, le carcan du thatcherisme. Ouais, en fait, voilà, les premiers qui sont révoltés socialement, et ben, en fait, c'est les émigrés des Caraïbes. À Londres, notamment à Brixton, Clapham, dans tout le sud de Londres. Et en fait, ce qui désolait ce groupe, c'était de voir que eh ben, les fils d'immigrés caribéens se révoltaient, mais pas les prolos blancs anglais. Et donc, eux réclamaient aussi une émeute blanche, non pas contre les Noirs, mais qui s'associent et qui viennent soutenir l'émeute noire. Voilà. White Riot, émeute blanche. Voilà. Ouais, alors, le morceau... Benoît, nous parlons des clashs quand même. Oui, voilà, oui. Enfin, parce que tu parlais tout à l'heure du mais nos fidèles auditeurs ont relevé. Ou pas. Merci Benoît, parce que oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Non, on l'a pas dit, non. On l'avait pas précisé. Mais au son de la voix un peu gueulante de Joe Strummer, ils auraient reconnu. Alors, on va commencer par White Riot. Le White Riot, justement, par rapport à ça, c'est un morceau, le morceau enregistré en concert, lors d'un concert en 78 qui était organisé par la Ligue anti-nazi anglaise. Donc, il y a bien d'autres artistes, hein, Sham 69, dont on a passé déjà des morceaux, Steel Pulse, dont on a déjà passé des morceaux dans l'émission Reggae. Dans l'émission Reggae. Mm. Ils s'étaient tous retrouvés, donc là, entre Trafalgar Square et Victoria Park, 100 000 personnes contre le National Front. 100 000 personnes. 100 000 personnes. Donc, il faut voir les images. Alors, il y a un film qui a été tourné sur les Clash à cette époque-là qui s'appelle Rude Boy. Bon, voilà, il y a l'image du White Riot et c'est assez impressionnant, quoi. Tu on écoute ça. Non, tu étais pas. Non, j'étais. Non, bah non. Non, pas là, non. Non, sinon, je pense que si j'avais été là-bas, je serais pas à tout ça à ce moment-là. Bref, on s'écoute le White Riot sur des Clash. Voilà, c'était donc le White Riot, ça s'était posé le truc sur effectivement le Clash étiqueté groupe punk rock. Mais on va voir que au fil de leur carrière, ils ont totalement évolué, ils ont injecté d'autres sons. Petite précision sur ce concert-là, ils chantent aussi avec le chanteur de Sham 69. Donc, des membres qui sont partis, d'autres qui sont revenus. Ça reste les quatre principaux. Joe Strummer, donc le chanteur qui était compositeur, mais qui lui va amener toutes ses idées un peu. C'est lui vraiment qui a insufflé le côté politique, social, révolte sociale, quoi. Et puis justement sur les trois autres, et par contre compositeur qui touchait à tout. Et les trois autres, ils avaient les trois des styles et des comment dire, des origines, Origines, voilà, mais des origines musicales différentes. C'est-à-dire qu'on avait Mike Jones, le guitariste, qui avait un côté assez rock, assez, je vais pas dire entre guillemets diva rock, soliste, quoi. On avait ensuite Paul Simonon, qui était à la basse, qui lui plutôt inspiré par la musique jamaïcaine notamment. Qui va amener le côté un petit peu reggae. Bien sûr, les titres reggae, ouais. Et puis le batteur, Topper Hayden, qui lui avait une formation jazz. Donc chacun a voulu apporter, et du coup, ce côté punk rock entendu qui est assez rude, il va très vite évoluer dès le deuxième album, parce que White Riot, c'est le premier album, enfin, fait partie du premier album. Dès le deuxième album, où notamment ils vont s'inspirer. Pour commencer à aller voir ce qui était assez rare chez les groupes punk, ils vont s'inspirer notamment de vieux chants de la guerre de sécession. On revient sur la thématique de l'émission Buddha Truths. Afro-américaine. Voilà, afro-américaine. Donc, de chansons des. Comment ils appellent les Yankees. Enfin, les chansons Yankees qu'on écoute un petit peu là en fond. Je vous laisser découvrir. Get ready for the jubilee, hurrah, hurrah, you Donc voilà, ils vont s'inspirer de ça notamment pour faire une chanson qui s'appelle The English Civil War. Donc on voit déjà qu'ils commencent à toucher et à amener des influences un peu à droite à gauche. Et ça, ça va être marqué surtout par l'avènement de leur troisième album, qui va être un double album, et donc qui est le plus connu, le plus commercialisé, qui s'appelle London Calling, où là, ils vont passer vraiment du punk rock au pop, au jazz, au reggae, à la funk, parce que l'un des morceaux les plus connus, c'est Train Van, qui est funk, écrit par Mike Jones. Donc c'est là le basculement avec cet album où ils vont sur d'autres influences. Oui. Depuis le début de l'émission, je donne un meilleur album, London Calling, les Clash. Bah, il est considéré, tu parlais des meilleurs, tu sais, des meilleures ventes et tout, et là il est considéré comme le meilleur album produit par un groupe rock. Ouais, c'est ça. London Calling. Et mais effectivement, et ce qui est intéressant, c'est que on chaque passe morceau, par tous les styles. Voilà, chaque c'est morceau a un style un peu différent. Là, on va en écouter un qui s'appelle Four Horsemen. Bon, vous verrez que c'est plus du tout du punk rock, tout simplement. Well, they were given the great gold, riding the sun, to loosen the screws at the back of the tongue. So no one, but they had begun. Four horsemen. They were given all the foods of vanity, and all the eat the promises of immortality. They live in the dust, screaming insanity. Four horsemen. One was over the edge, one was over the cliff, one was licking and dry with a bloody great flip. They picked up a high guy. You're not cutting iron now. Not looking anyhow. You're never gonna ride a lonely mile. I'll put yourself up on the trial. Oh, you fool me, oh, you love me so bad. And I agree that it does seem sad. And that's the price that you gotta pay for lazing all around all day. Oh, and they're coming right. On sent toujours le côté un peu, enfin le côté rebelle, mais adouci et voilà, on n'est plus sur du punk dur. Donc London Calling, c'est le basculement avec plein d'influences qui arrivent. Et au passage, on parlait élu comme l'un des meilleurs albums produits par un groupe rock. Je pense que c'est une des plus belles pochettes aussi de disques. Bon, voilà. Sur fond vert. Non, le titre est vert en fait. C'est fond gris avec Paul. C'est Paul, chanteur, c'est Paul Simonon qui en fait. Paul Simonon va casser sa basse sur la scène. Okay. Et la photo est excellente quoi. Enfin, et en plus, il explique qu'il était un peu dégoûté. C'est la seule fois où vraiment sur scène il a cassé sa basse et il était pris en photo et ça fait. Enfin, ça fait une super couverture. Donc, on voit ce basculement, et le basculement, il va être encore, encore accéléré. Alors, avec les Clash, le truc qu'il y a, c'est qu'ils vont accélérer cette notion de toucher à tout avec le quatrième album qui sera Sandinista. Alors, Sandinista, c'est une référence politique. Donc là, on retrouve le Joe Strummer parce que ça fait référence aux Sandinistes, aux guerres du Nicaragua, avec l'homme politique Sandino, mec qui se battait contre les contrats américains. Enfin, bref. Donc, on retrouve ce côté engagé politiquement, socialement et politiquement. Et puis surtout, c'est un album où, comme j'ai déjà dit lors d'une émission, où en fait, ils vont explorer tous les styles de musique afro-américaine, du jazz au bebop, au gospel. Il y a de tout dans cet album. Alors, il va être critiqué, il va être encensé, il va être produit à l'époque en triple album et vendu comme un seul album, ils y tenaient. Et bon, ça reste un petit bijou pour explorer façon musique afro, même hip-hop, hein, c'est les premiers funk, hip-hop. Ils font un peu tous les styles. Donc ça, c'est le Sandinista. Ce que je disais, c'est que ce côté, ça va les perdre, quelque part, parce qu'il va arriver un moment où, au sein du groupe, il va y avoir Mike Jones qui voudra continuer dans cette voie, d'explorer des nouveaux sons, de toujours avancer. Et par contre, Joe Strummer et Paul Simonon, qui, eux, auront tendance à vouloir faire un retour à un côté plus rock-punk. Et c'est ce qui, finalement, va clasher les Clash. On va dire. Bien vu. Que les Clash finalement n'ont eu que 10 ans de vie de 76 à 86. Mais c'est vraiment cette notion-là qui fait que ça les a nourris, ça les a fait évoluer. C'était un des plus grands groupes de rock à cette époque-là. Après, tu as vu une autre curiosité. Ça s'est passé comment après, du coup? Ils ont continué? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Mike Jones va continuer dans cette voie en formant un groupe qui s'appelle Big Audio Dynamite. Et vraiment dans cette notion d'explorer plein de sons différents, limite électro. Donc, il pousse encore plus loin dans le côté inclassable, quoi. Partie du punk rock pour arriver à une sorte d'électro, bebop avec. Et il va former ce groupe avec Don Letts, qui est en fait un cinéaste, réalisateur de clips, jamaïcain, qui va suivre les Clash avec cette notion un peu reggae, tout ça. Et Paul Simon va arrêter. Il va se mettre à la peinture, qui est son premier. Et qui reviendra plus tard. Alors là, petite parenthèse, petite pirouette. Il reviendra beaucoup plus tard et il reprendra la basse pour jouer avec le chanteur de Blur, dont j'ai oublié le nom. Mais surtout, dans ce groupe, il y aura aussi le batteur Tony Allen, dont on a parlé dans une émission il y a 2 mois où on parlait des mouvements musicaux. Et Tony Allen, qui est batteur de Fela Kuti, fondateur du mouvement Afrobeat. Donc voilà, enfin bref, ça, c'est pour le petit clin d'œil à l'émission d'il y a 2-3 mois. Donc voilà, là on avance sur, on vous envoie 2 morceaux, deux morceaux de Sandinista. Donc le premier qui s'appelle Washington Bullets, donc voilà, les balles de Washington, typiquement on est sur le côté sandiniste, mais vous verrez que le style musical n'a plus rien à voir avec le punk rock, et donc dénonciation des interventions américaines en Amérique du Sud. Et le deuxième, c'est plus un côté un peu caraïbe, pour vous montrer 2 styles différents. Qui s'appelle Let's Go Crazy. C'est un petit clin d'œil à Prince. T'as passé un petit moment. Oui, voilà. Donc, the cocaine guns jam downtown, the killing clowns, the blood money men, the shooting foes. Washington bullets again, as every cell in Chile will tell the cries of the tortured men. Remember Allende and the days before the army came. Please remember Victor Jara in the Santiago Stadium, es verdad. It was Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, Havana for the Playboy in the Cuban sun. For Castro is the color is a redder than red. Those Washington bullets want Castro dead. For Castro is the color. The color new spray of lead. Time, never when they had a revolution in Nicaragua. Afghan rebel that the Moscow bullets missed. Ask him what he thinks of voting communist. Ask the Dalai Lama in the hills of Tibet. How many monks did the Chinese get in a war-torn swamp? Stop any mercenary and check the British bullets in his armory. And I'm also, as Sir Collins, is calling for peace in the carnival and love. Man. And also all the youth, the young generation of today, I am begging them and I'm preaching to them and I'm selling my record, I'm selling clothes, I'm selling cloth to help the young generation of England today. Black, white, pink, blue, you name it. And all you millions out there, come down and have a nice time. The carnival is nice. They're squeezing everybody up, but we're having a great time here. Staring grapes are jerking the line. And each and every one of us who gather here, are we are little ants who is on this earth today, to make peace and love within the world, and also to help the young generation of tomorrow. Voilà, donc on était sur les deux derniers morceaux de Iniesta. Voilà pour les Clash. Simplement pour le côté inclassable du punk rock. On passe du punk rock et on a fini par le côté un peu caraïbe trinidadien en passant par... Beaucoup de percussions hein, dans ce titre. Ouais, c'était Trinidad là, je pense. Mm. Allez, on rend hommage à la Queen of Rock and Roll. Je peux me permettre de parler anglais, il n'y a pas Pierre Julien. Non, ton accent et on le comprend là. Merci. Pas de souci. Queen of Rock and Roll, Tina Turner. Ouais, Tina Turner. De son vrai nom, on va faire un petit passage sur sa biographie. Oui, hein. Son vrai nom, Anna Mae Bullock, Tina Turner, qui est, comme les autres, comme Prince et Michael Jackson, chanteuse, danseuse, actrice, compositrice d'origine américaine. Et j'ai appris ça, naturalisée suisse. Ouais. Bon, voilà. C'est son droit. Son droit. Donc Tina Turner, grande artiste, qui a remporté 12 Grammy Awards. Après, elle fait partie aussi avec Diana Ross, tu en as parlé tout à l'heure, Aretha Franklin, des chanteuses afro-américaines les plus influentes du XXe siècle. Mmh. Elle a mélangé les styles. Elle a commencé avec... C'est pour ça qu'on en parle dans cette émission. Exactement. Elle a mélangé les styles. Elle est totalement inclassable. Exactement. Donc, elle rencontre en 57 un artiste que vous connaissez, Ike Turner. Ouais. Alors, petite parenthèse, Ike, on en a parlé, Ike Turner, on a parlé qu'on a fait une émission sur le rock'n'roll, sur les origines, on se pose la question d'où venait le rock'n'roll. Et on avait passé un morceau de Ike Turner parce que certains considèrent que c'est lui qui a écrit ou participé à la naissance du rock'n'roll avec un morceau qui s'appelait Rocket 88. Donc on est passé le morceau, voilà, pour Ike. Je voulais dire quand même sur Tina Turner, née dans le sud. Oui. Et une vie, je ne vais pas dire une vie typique de la jeune fille noire américaine du sud à cette époque, mais mouvementée durant l'enfance et l'adolescence, sans revenir sur les détails. Dure, quoi. Ouais. Bonne transition, elle était mineure. Mais elle parvient à rentrer dans le club Manhattan à l'époque où se produit les Kings of With. Ouais, excusez mon accent. Elle lui demande de chanter, il la fait monter sur scène, emballé par sa voix. Ike, qui est là bien sûr, l'engage comme choriste occasionnel dans ses spectacles. Et l'actrice va la chanteuse, qui devait enregistrer le titre Fool in Love à l'époque en 1960, n'est pas là. Du coup, Ike Turner demande à Tina Turner, à l'époque elle s'appelle pas comme ça, Tina Turner de venir sur scène et chanter la chanson. Et ça donne. Et ça donne le son qu'on va écouter. There's something on my mind. Won't somebody please, please tell me what's wrong. You're just a fool. Such a good man. And listen, he's got me smiling when I should be ashamed. Got me laughing when my heart is in pain. Oh, now I must be a fool, 'cause I'll do anything he wants me to. You're just a fool. You know you're in love. Tell me one more time. You've got to face it to live in this world. You take the good, sometimes with the bad. And all that he do, and I'll do anything. such a good man. Donc là, on était quand même sur une sonorité bien bebop années 60, exactement. Happy Days, hein. C'est un peu rock. Un peu rock, ouais. Avec Turner, comme bebop, tu l'as dit tout à l'heure, qui aurait été un précurseur du rock. Ouais. On y est. Alors, on va pas remonter toute la discographie, tous les styles, comme on a pu faire pour Prince ou Michael Jackson, parce qu'on n'a pas trop le temps, ou surtout vous passez du son. Moi, ce que je veux dire, c'est que sur Tina Turner, ouais, alors, Queen of the Rock, mais rock, soul, et surtout, à ne pas oublier, elle a participé à l'opéra rock des Who, qui s'appelle Tommy. Donc, en termes de rock, ça se pose là, quoi, quand même. Voilà, c'est la petite précision que je voulais amener sur Tina Turner. Très important, parce que, comme tu dis, elle a été aussi actrice, chanteuse, danseuse, comme Prince et Michael Jackson, voilà, qui ont participé, enfin, qui ont été des artistes multitâches, on va dire. Ouais, ouais. Et puis c'est une voix, quoi. Exactement. C'est quand même une voix. Puis saluée par les plus grands, hein. Saluée par les Rolling Stones, par David Bowie, Ray Charles, enfin voilà. David Bowie, j'ai vu ça. Elle a mis tout le monde d'accord. Elle a fait venir sur scène, elle a chanté avec lui Let's Dance. Les titres de David Bowie, il était souvent sur scène avec elle. C'était, voilà, elle était avec les plus grands. Parce que c'était une des plus grandes, hein, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on tenait à passer des morceaux. Important. Parce qu'on n'a pas mis. Et donc, ouais, ça reste une artiste majeure afro-américaine. Faire preuve de parité, parce qu'on a passé quand même Prince et Michael Jackson, et Tina Turner, et une artiste inclassable aussi. À passer. Donc là, on est en train de s'écouter un titre. Paul Mary, qui est le plus grand succès commercial du duo Tina Turner et Ike Turner. Un petit aparté. Ike change le nom d'Anna en Tina, en référence à Sheena, reine de la jungle, et son nom en Turner, ce qui traduit déjà son emprise sur elle. Bon voilà, on connaît l'histoire entre les deux, et ça a donné quand même des titres magnifiques. Left a good job down in the city, working for the man every night and day, and I never lost one minute of sleep, and I was worried about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning, primary keep on burning, and we're Ça c'est... Donc voilà, on va écouter Paul Mary de Tina Turner et Ike Turner. C'est Stéphane, la fin de l'émission déjà, malheureusement. Oui. En septembre. En septembre, parce qu'à août, on fait une pause. Ouais, comme beaucoup. Petite pause, et on vous dira en septembre, toujours sur le même créneau horaire, avec un thème, on ne sait pas encore, mais un thème de toute façon intéressant. Oui. Il y en aura un, bien sûr. Et on remercie Benoît à la technique. Merci Benoît. Et bonnes vacances, du coup. Et on remercie Julien pour la playlist. Merci et à vous. Et on vous dit, on sait pas. En septembre. Une dernière, The Best.